Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous posons la question suivante. La vaccination contre la rougeole renforce-t-elle le système immunitaire ou l'affaiblit-il? Avant l'introduction de la vaccination contre la rougeole, presque tous les enfants d'une quinzaine d'années étaient immunisés contre cette maladie dont ils avaient été infectés et par là protégés. Les mères qui avaient eu la rougeole dans leur enfance étaient immunisées et par le lait maternel, elles transmettaient cette immunité à leurs enfants. Des études montrent que depuis l'introduction de la vaccination en 1964, les mères vaccinées ne transmettent plus par l'allaitement maternel l'effet immunisant d'une manière suffisante. Une autre étude montre qu'après la phase actuelle de diminution de cas de rougeole, on va assister à une recrudescence de la maladie. L'immunité naturelle contre la rougeole devient de plus en plus rare, si bien que lorsqu'une vraie épidémie de rougeole apparaîtra, cela pourra toucher très durement les adultes, mais surtout les bébés. Normalement, ce sont les enfants qui supportent le mieux la maladie infantile typique qu'est la rougeole. L'immunité naturelle manquant, il se passera exactement le contraire que ce que l'on voulait faire, à savoir faire disparaître la rougeole. A posteriori, chers téléspectateurs, la science devra un jour avouer que depuis longtemps, en utilisant les vaccinations, elle a manipulé et détruit le système immunitaire d'innombrables personnes. Merci de votre écoute et à bientôt.